الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لونجي تاديو سينيور ديز اونيفير، والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين. Et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On va poursuivre nos cours de biographie du prophète, prière et salut sur lui, مع الدرس السابع والعشرين, avec le cours numéro 27. رأينا في الحصة الماضية كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم بالسفر إلى الحبشة. Nous avons vu dans la séance précédente comment le prophète, prière et salut sur lui, a demandé à ses amis, que Dieu soit satisfait d'eux, de voyager vers l'Abyssinie. لِيَبْتَعِدُوا مِنَ الْعَذَابِ, afin de s'éloigner de la torture et du châtiment. وَلَكِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَقِيَ فِي مَدِينَةِ الْعَذَابِ. Mais lui, prière et salut sur lui, il est resté dans la ville de la torture, dans la ville de la persécution. أبعد أصحابه وبقي وسط المشركين. Il a éloigné ses amis et il est resté au milieu des associateurs. إنها الرحمة النبوية الكبيرة. Telle est la clémence prophétique immense. إنه القائد الذي يفكر في أصحابه قبل نفسه. Tel est le dirigeant qui pense à ses amis avant sa propre personne. إنه لا يقول نفسي نفسي. Il ne dit pas ma personne, ولكن يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي. Mais plutôt, il dit prière et salut sur lui, mes amis, ou bien ma communauté, ma communauté. ماذا نرى اليوم؟ Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui؟ القادة أصحاب المبادئ الجديدة. Les grands dirigeants qui ont des nouveaux principes. يهاجرون إلى بلد آخر طالبين اللجوء السياسي. Ils voyagent, ils émigrent vers un autre pays pour demander le pour être des réfugiés politiques, les domaines hayatihim, afin de préserver leur vie. ويتركون أتباعهم وأصحابهم في بلادهم. Et ils abandonnent, ils laissent leurs partisans, leurs amis dans leur pays d'origine. يقاومون في مكانهم, afin que ses amis et ses partisans luttent et font la résistance à leur place. ويتعذبون ويموتون. Ils les laissent mourir, souffrir. وفي حالة النصر يعودون على بساط أحمر لتسلم السلطة. Et en cas de victoire, ils vont revenir sur un tapis rouge pour prendre le pouvoir. محمد صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى الحبشة ليترك أصحابه في مكة يخدمون الإسلام. Mohammed, prière et salut sur lui, il n'est pas parti vers l'Abyssinie afin de laisser ses amis au service de l'islam. La fa'al al-aks. Plutôt, il a fait le contraire. Ya ashabi, ô mes amis, idhabu antum ila al-habasha. Partez vers l'Abyssinie. Wa ana sa'abqa huna ad'u ila Allah. Et moi, je vais rester ici dans la Mecque pour appeler à Dieu. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. Tel est محمد prière et salut sur lui. فريد من نوعه, unique du genre. وهذه هي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه. Et tel est la clémence de Mohammed, prière et salut sur lui, pour ses amis. Hatta fil hijra ila al-Madina, même lors de l'émigration vers Médine, كان الكفار يريدون قتله لا قتل أصحابه. Les associateurs cherchaient à le tuer, à l'assassiner, et ne cherchaient pas à tuer ses amis. هل هرب قبل كل الناس, a-t-il pris la fuite avant tout le monde? ولما وصل إلى المدينة قال لأصحابه اتبعوني إلى المدينة. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, il a dit pour ses amis, suivez-moi vers Médine. وهذا شيء جد طبيعي لأنهم يريدون قتله. Et il s'agit d'une chose naturelle parce qu'ils cherchaient à le liquider. لا فعل صلى الله عليه وسلم العكس. Non, plutôt prière et salut sur lui, il a fait le contraire. أرسل أصحابه أولا, il a envoyé d'abord ses amis. فلما ذهب كل المسلمين, et lorsque tous les musulmans sont partis, ولم يبقى أحد في مكة من المسلمين, il n'y avait plus personne dans la Mecque parmi les musulmans, هاجر صلى الله عليه وسلم في الأخير. À la fin, prière et salut sur lui, il a accompli l'hijra. كان يعطي صلى الله عليه وسلم الأسبقية لأصحابه لا لنفسه. Il donnait, prière et salut sur lui, la priorité à ses amis et non pas à sa propre personne. وربما يقول أحد, et peut-être quelqu'un va dire, إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر للحبشة لأنه محمي من طرف عمه أبي طالب. Peut-être quelqu'un va dire, le prophète, prière et salut sur lui, il n'est pas parti vers l'Abyssinie parce qu'il a été protégé par son oncle Abu Talib. أقول هذه الحماية كانت ضد القتل. Je vais dire que cette protection d'Abu Talib était contre la mort. C'est-à-dire, لا أحد يستطيع قتله صلى الله عليه وسلم لأنه في حماية عمه. Ça veut dire, personne ne pouvait le tuer parce qu'il était sous la tutelle et la protection de son oncle. ولكن هناك من السفهاء بمكة من سيجرؤ على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من غير قتله. Mais il y a parmi les pervers mécois ceux qui vont oser nuire au prophète prière et salut sur lui, faire du mal au prophète prière et salut sur lui, sans aller jusqu'au point de le tuer. ومن أجل بيان ذلك سأعطي مثالين عما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من الأذى. Et pour cette raison, je vais donner deux exemples de ce, du mal que le prophète prière et salut sur lui a subi et a supporté dans la Mecque. المثال الأول, le premier exemple. أول شخص هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه أبو لهب. La première personne qui a nui, qui a fait du mal au prophète prière et salut sur lui, était son oncle Abu Lahab. لأنه أخ لأبي طالب. C'est normal, c'était le frère d'Abu Talib. وينتمي لقبيلة بني هاشم, et il appartenait au clan ou bien à la tribu de بنو هاشم. فلا يخاف من هذا الجانب. Donc il n'avait rien à craindre de ce côté-là. وهذا العمل العدواني من طرف أبي لهب سيشجع آخرين. Et cette œuvre ou cette sorte d'agression venant de la part d'Abu Lahab allait encourager d'autres à faire la même chose. في الماضي قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, dans le passé, avant la prophétie de Mohammed prière et salut sur lui, زوج أبو لهب ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. Donc avant la prophétie, Abu Lahab a marié ses deux fils Utba et Utayba avec les deux filles du prophète ou avec deux filles du prophète prière et salut sur lui, Ruqayya et Kulthum, que Dieu soit satisfait des deux. فلما صار محمد عليه الصلاة والسلام نبيا, lorsque Mohammed prière et salut sur lui est devenu un prophète, أمر أبو لهب ولديه بتطليقهما بعنف وبشدة. أبو لهب a demandé, a ordonné à ses deux fils de répudier avec violence et dureté les deux filles du prophète, prière et salut sur lui. Intiqaman min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, afin de se venger du prophète, prière et salut sur lui. Wa hakada tulliqat ibnata, et ainsi ses deux filles étaient répudiées. Fatazawwaja Uthman ibn Affan radiyallahu anhu برقية رضي الله عنها. Par la suite, c'est Uthman, fils de Affan, que Dieu soit satisfait de lui, qui s'est marié avec Ruqayya, que Dieu soit satisfait d'elle. Et ont émigré ensemble, c'est-à-dire Uthman et sa femme, vers la terre d'Abyssinie. وماتت رقية رضي الله عنها إثر مرض بالمدينة في السنة الثانية للهجرة. Et à Médine, en l'an 2 de l'Égire, Ruqayya a connu la mort et est décédé par la suite d'une maladie. Fi shahri Ramadan, fi zaman ghazwat Badr. Et c'était dans le mois de Ramadan, pendant la bataille de Badr. Wa ba'da wafati Ruqayya, après le décès de Ruqayya, arada Omar, radiyallahu anhu, ibnatahu Hafsata, ala Uthman, للزواج. يتزوج عثمان بحفصة بنت عمر رضي الله عن الجميع. Par la suite, Omar a proposé sa fille Hafsa afin qu'elle soit une épouse de Uthman, que Dieu soit satisfait de l'ensemble. فسكت عثمان لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها, يعني يذكر حفصة, يعني يريد أن يتزوج بحفصة. Et Uthman s'est tu, il n'a pas donné une réponse parce qu'il a entendu le messager, prière et salut sur lui, citer Hafsa. Comme quoi le messager voulait se marier avec Hafsa, la fille de Omar. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال, lorsque cette information est arrivée vers le prophète, prière et salut sur lui, il dit, أَلَا أَدُلُّ عُثْمَانَ عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْهَا. Certes, je vais indiquer à Uthman une femme meilleure pour lui que qu'elle, ça veut dire que Hafsa. وَأَدُلُّهَا مَعْنَ حَفْصَ عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْ عُثْمَانَ. Et je vais montrer à Hafsa, je vais indiquer à Hafsa celui qui est meilleur pour elle que lui, ça veut dire que Uthman. فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ حَفْصَ. Et le prophète prière et s'agit, s'est marié avec Hafsa, وَزَوَّجَ عُثْمَانَ أُمَّ كَلْثُومْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Et il a fait marier كَلْثُومْ avec Uthman, que Dieu soit satisfait des deux. وَبَعْدَ سِنِينْ مَاتَتْ كَلْثُومْ. Et après quelques années, كَلْثُومْ, que Dieu soit satisfait d'elle, est décédée. مَاتَتْ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِعُثْمَانِ. Et le messager de Dieu, prière et sage, lui dit à Uthman, إِنْ كَانَ عِنْدِي غَيْرَهَا لَوْ كَانَ عِنْدِي غَيْرَهَا لَزَوَّجْتَكَهَا. Si j'avais une autre, en plus que كَلْثُومْ, une autre fille, j'allais te faire marier avec elle. فَكَانَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسَمَّ ذُو النُّورَيْنِ. Et ainsi, on appelait ou on nommait Uthman, que Dieu soit satisfait de lui, Dhu al-Nurayn, ça veut dire celui qui avait deux lumières, bima'na Ruqayya wa Kalthoum. Nurayni, Ruqayya wa Kalthoum. La première lumière, c'était la fille du prophète Ruqayya, et la seconde lumière, c'était Kalthoum. Wa na'oudu ila Abi Lahab, الذي كان جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Et on revient vers Abu Lahab, qui était en même temps un voisin du prophète, prière et salut sur lui. Ils avaient leur maison l'une à côté de l'autre. فاتفق مع أربع من جيرانه وهم الحكم ابن العاص ابن أمية. Il s'est mis d'accord avec quatre de ses voisins. الحكم fils de Abu al-As, fils de Umayya, wa Uqba ibn Abi Mu'ayt, et Uqba fils de Abu Mu'ayt, wa Adi ibn Hamra al-Thaqafi, et avec Adi, fils de Hamra al-Thaqafi, wa ibn al-Asda al-Hudali, et avec le fils de l'Asda al-Hudali, wa lam yaslim minhum, wa lam yuslim minhum ahad. Personne parmi ces quatre n'est devenu musulman, ou parmi ces cinq n'est devenu musulman, à part al-Hakam, fils de Abu al-As. لم يسلم منهما أحد إلا الحكم ابن أبي العاص فكان أحدهم يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشات وهو يصلي في بيته l'un d'eux l'un parmi les cinq voisins posait ou jetait la matrice ou la poche des os d'une brebis sur le prophète prière et ça sur lui lorsqu'il faisait la prière chez lui وكان أحدهم يطرحها في برمته et un autre mettait la matrice d'une brebis ou bien la poche des os d'une brebis qui est sale avec beaucoup de sang etc dans la marmite du prophète prière et salut sur lui ومرة طلب أبي بن خلف من عقبة بن أبي معيط أن يدخل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم une fois quelqu'un a demandé à Uqba, fils de Abu Mu'ayb, de cracher sur le visage du prophète prière et salut. فَذَهَبَ عَدُوُ اللَّهِ لَعْنَةَ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ Et l'ennemi de Dieu, qu'il soit maudit, est parti vers le prophète prière et salut. وَتَفَلَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Et il a craché sur le visage du prophète prière et salut. Et c'était son voisin. هَذَا جَارُ عُقْبَ بْنُ أَبِي مُعَيْبِ وفعل أكثر من ذلك. Il a fait plus que ça. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله fils de Abu Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت. Le prophète prière et sa'ri faisait ses prières à côté de la Kaaba, devant tout le monde. وأبو جهل وأصحابه جلوس. Et Abu Jahl était assis à côté de ses amis. فقال بعضهم لبعض les uns dirent aux autres أيكم يجيء بسلا جزور سلا ديال واحد الجمل ديال واحد الناقة سلا جزور فيضعه على ظهر محمد إذا سجد qui parmi vous peut apporter la matrice d'une chamelle ou la poche des os d'une chamelle et la dépose sur le dos du prophète de Muhammad lorsqu'il se prosterne devant nous فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه et le malheureux de tous se leva c'était عقبة fils de Abu Mu'ayt le voisin du prophète prière et sa'ri qu'il soit maudit وجاء بالسلا وانتظر il a apporté une matrice d'une chamelle et il a attendu la venue du prophète prière et sa'ri فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم lorsque le prophète prière et sur lui se prosterna وضعه على ظهره بين كتفيه il a déposé la matrice sur le dos du prophète prière et sur lui entre ses épaules وانا انظر يقول عبد الله وانا انظر عبد الله fils de Mas'ud dit et j'étais en train de voir لا اغني شيئا et j'étais incapable de venir en aide au prophète prière et sur lui فجعلوا يضحكون ils commencèrent à rire et à plaisanter يتمايلوا بعضهم على بعض مرحا les uns s'inclinaient sur les autres de rire et de joie de ce qu'ils ont fait au prophète prière et sa'ri ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد et le prophète de Dieu prière et sa'ri est toujours prosterné لا يرفع رأسه il ne levait pas la tête حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها jusqu'au point que فاطمة que Dieu soit satisfait d'elle est venue فطرحته عن ظهره elle a éliminé la matrice du dos du prophète prière et sa'ri فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه et le prophète prière et sa'ri à ce moment-là il a levé sa tête ثم قال et il a dit اللهم عليك بأبي جهل Ô mon Seigneur, charge-toi de Abu Jahl. Wa alayka bi Utbah ibn Rabi'a. Et de la même manière, charge-toi de Utbah fils de Rabi'a. Wa Shaybah ibn Rabi'a. et de la même manière Shayb ibn Rabi'a, Wal-Walid ibn Utba, et de la même manière Al-Walid, fils de Utba, wa Umayyah ibn Khalaf, et de la même manière Umayyah, fils de Khalaf, wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Et de la même manière, mon Seigneur, charge-toi de Uqba, fils de Abu Mu'ayth, wa Umar ibn al-Walid, et Umar, fils de Al-Walid. Fatawqafu an al-dahi. Et ils ont arrêté leur rire. Wa shaqqa alayhim ad-du'a. Et ils ont mal pris cette prière. C'était trop dur pour eux d'entendre cette prière venant de la part du prophète, prière et sa souris. لأنهم كانوا يرون أن الدعوة مستجابة عند البيت. Parce qu'ils pensaient dans leur croyance que la prière est exaucée à côté de la Kaaba. يقول يعني عبد الله ابن مسعود, عبد الله ابن مسعود dit à la fin, فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت الذين يعني السبعة الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب يعني في البئر قليب بدر بئر بدر بعد سنين لما تكون غزوة بدر كلهم ماتوا وجعلهم المسلمون في بئر بدر. Il dit par celui qui détient mon âme dans sa main, je les ai tous vus, ça veut dire les sept que le prophète, prière et saint sur lui, a cité dans sa prière, mort et jeté dans la pluie qui se trouvait dans, sur le sol ou dans le champ de Badr. C'est-à-dire pendant, après la bataille de Badr. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa yaqulu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et Abdullah, fils de Amr, fils de l'As, dit, بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة. Pendant que le prophète, prière et saint sur lui, faisait sa prière à côté de la Kaaba, il أقبل عقبة بن أبي معيط. دائما عقبة بن أبي معيط. هذا الشيطان. هذا اللعين. هذا عدو الله. Et lorsque le prophète faisait sa prière à côté de la Kaaba, ce diable عقبة, fils de Abu معيط, qu'il soit maudit, est venu. فوضع ثوبه في عنقه صلى الله عليه وسلم. Il a pris un tissu, il l'a placé autour du cou du prophète prière et celui qui faisait sa prière. فخنقه خنقا شديدا. Et il l'a étranglé d'une manière très très forte. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه. Et Abu Bakr est venu rapidement jusqu'au point de le saisir par l'épaule. ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى pousser loin du prophète prière et sa وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Tuez-vous une personne ou un homme parce qu'il dit Dieu est mon Seigneur. رواه البخاري, rapporté par l'imam البخاري. ونعود مرة أخرى إلى أبي لهب. Et on revient une autre fois vers Abu Lahab. فامرأته أم جميل هي أخت أبي سفيان. Sa femme, أم جميل, était la sœur de Abu Sufyan. وكانت تكره النبي صلى الله عليه وسلم كرها شديدا. Elle détestait le prophète, elle détestait beaucoup le prophète prière et ça sur lui. فكانت تحمل الشوك. Elle portait les épines, un grand tas d'épines. وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا. Et elle posait ce tas d'épines dans le chemin emprunté par le prophète prière et sa lui et devant la porte du prophète prière et sa lui parce qu'ils étaient des voisins. Elle posait ça pendant la nuit. ليلا. فوصفها القرآن بحمالة الحطب. Et le Coran l'a qualifiée ou l'a nommée ou l'a décrit comme porteuse de bois. وكانت سليطة اللسان. Elle était vraiment grossière. تفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لتؤجج عليه نار الفتنة. Elle inventait du mensonge à propos du prophète prière et sa soumise afin d'enflammer autour de lui le feu de la discorde. وتثير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم. Et elle soulevait ou elle allumait une guerre sans merci sur le prophète ou contre le prophète prière et sa soumise. فلما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن lorsqu'elle a entendu les versets révélés qui parlaient d'elle et de son mari, ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle est partie pour voir le prophète, prière et sajouri, وهو جالس في المسجد عند الكعبة. Le prophète était assis dans la mosquée à côté de la Kaaba, ومعه أبو بكر الصديق, accompagné de أبو بكر الصديق, que Dieu soit satisfait de lui. وفي يدها فئر, في يدها حجرة. Et dans sa main, elle portait une pierre pour frapper le prophète, prière et sajouri. فلما وقفت أمامهما, lorsqu'elle s'arrêta devant les deux, أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dieu lui a enlevé la vue. Ça veut dire pour elle ne pouvait plus voir le prophète, prière et sa souris, et elle pouvait voir tout le monde à part le prophète, prière et sa souris. Allah أخذ بصرها فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترى النبي وترى كل شيء. فلا ترى إلا أبو بكر. Elle ne voyait que Abu Bakr. فقالت يا أبو بكر أين صاحبه. Elle dit ô Abu Bakr, où est ton ami, c'est-à-dire le prophète. قد بلغني أنه يهجوني. On m'a rapporté comme quoi il me critique avec ses versets coraniques. Wa wallahi law wajadtuhu la darabtu bihadha al-hajar fa fama. كون لقيتك تنضرب الفم ديالو بهذا الحجره هذه. نكسر له الاسنان. Si je l'ai trouvé, j'allais le frapper avec cette pierre à sa bouche. Ama wallahi inni la sha'ira. Par Dieu, je suis moi aussi poète. Thumma qalat, et après elle a dit une poésie, mudammaman asina. Un blâmé que nous avons, ou bien auquel nous avons désobéi, wa amrahu abayna. Et nous avons refusé ses ordres, wa dinahu qalayna. Et nous avons détesté sa religion. Mudammaman, yani Muhammad, ma qalat Muhammadan, qalat mudammaman asina. Wa amrahu abayna rafadna la nurid wa dinahu qalayna wa dinahu abghadna wa karihna thumma insarafat. Et après elle est partie. Faqala Abu Bakr ya Rasul Allah ama ra'atka. Abu Bakr dit au prophète, prière et sajouri, au messager de Dieu, elle t'a pas vu, parce qu'il était à côté de lui. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, prière et sajouri, lui dit ma ra'atni, elle ne m'a pas vu, laqad akhadha Allah bi basariha anni. Dieu a pris son regard ou lui a interdit de me voir. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول, et le prophète prière et sajouri disait, ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم. Est-ce que vous n'êtes pas étonné parce que Dieu écarte ou éloigne de moi les insultes et les injures et les malédictions de Quraysh. يشتمون مذمما, ils insultent un blâmable, ويلعنون مذمما, et ils maudissent un blâmable, وأنا محمد, et moi je suis محمد. محمد signifie le louable. رواه البخاري, rapporté par البخاري. ومرة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في بعض أزقة مكة, une fois lorsque le prophète, prière et sajouri, marchait dans une parmi les rues de la Mecque, أخذ أحد السفهاء قبضة من التراب ورماها فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. Un pervers a saisi une poignée de terre et il l'a jetée sur la tête du prophète, prière et sajouri. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتراب فوق رأسه. Il est revenu, prière et sajouri, chez lui avec la terre toujours sur sa tête. فقامت إحدى بناته تمسح عنه التراب وهي تبكي. L'une de ses filles se leva pour essuyer la terre de ses cheveux en pleurant. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها, et le messager de Dieu, prière et sajouri, lui disait, يا بني لا تبكي, oh ma chère fille, ne pleure pas. فإن الله مانع أباك, car certes Dieu protégera ton père. المثال الثاني, le deuxième exemple, وهو خاص بأبي جهل, et il concerne Abu Jahl uniquement. المشهد الأول, la première scène. قال أبو جهل لأصحابه, Abu Jahl, pharaon de cette nation, dit à ses amis, أيعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني هنا في الكعبة محمد يطيح وجهه يدير وجهه أمام الأرض أمامكم قدامكم. Est-ce que Mohammed colle son visage contre le sol devant vous, c'est-à-dire à côté de la Kaaba? قالوا نعم. Ils disent oui. قال واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته، أن أحط برجلي على الرقبة ديالو ولا أعفرن وجهه، ولصق لوجهه التراب. Il leur dit par اللات et العزى deux grandes idoles, si je le vois, j'appuierai avec mon pied sur sa nuque et je collerai son visage sur le sol. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ يُصَلِّي. Il est venu vers le messager de Dieu, prière et sa journée, qui était toujours en train de faire sa prière. وَتَقَدَّمَ إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ سَاجِدٌ. Il avança vers le prophète, prière et sa journée, qui était prosterné. فَلَمَّا اقْتَرَبَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَدَأَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَاءِ. Lorsqu'il s'approcha du prophète, prière et salut sur lui, il commença à revenir, à reculer vers l'arrière. Il se protégeait avec ses mains, comme s'il se protégeait contre quelque chose. Ses amis lui dirent, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, ô Abu al-Hakam? Il dit, « إن بيني la لخندقا من نار وهولا وأجنحة. Il y a entre moi et lui une tranchée de flammes et de la terreur et des ailes. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. Le prophète par la suite dit: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. S'il s'est approché de moi, ses organes seront enlevés ou prélevés par les anges un après l'autre. Rawah Muslim, rapporté par l'imam Muslim. Al-Mashhad al-Thani, la deuxième scène. Qala Abu Jahl, ya ma'shara Quraysh, inna Muhammad qad aba illa ma tarawna min aybi dinina. Au groupe de Quraysh, Muhammad s'entête dans la critique de notre religion, wa shatmi aba'ina, et dans les insultes de nos parents, وتسفيه أحلامنا et dans la perversion de nos rêves, وسب آلهتنا et dans l'insulte de nos divinités, وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر فإذا سجد في صلاته فضحت به رأسه. Je m'engage auprès de Dieu, comme quoi je vais l'attendre avec une grande pierre demain à côté de la Kaaba, et lorsqu'il se prosterne, je vais casser sa tête avec cette pierre. Ou je vais écraser sa tête avec cette pierre. Et après, ceci, la tribu de Banu Abdou Manaf, c'est-à-dire le clan de Mohammed, peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils peuvent me tuer ou faire ce qu'ils veulent. Abu Jahl, le matin, Abu Jahl, que Dieu le maudisse, a pris la grande pierre et s'assit pour attendre le messager de Dieu, prière et salut. في الصباح أخذ الحجر ثم جلس ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ليصلي كالعادة. انظروا لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا نبي الله صل في بيتك. لا يأتي إلى الكعبة كالعادة. Le lendemain, le prophète prière et salut sur lui est venu comme son habitude à côté de la Kaaba pour faire la prière. Quel courage, ô messager de Dieu, prie chez toi, loin de leur méchanceté. Non, il va venir à côté de la Kaaba. Et les associateurs sont assis ou prennent place dans leur club autour de la Kaaba pour voir. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم lorsque le messager de Dieu se prosterna, احتمل أبو جهل الحجر ثم توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل a pris à lever la grande pierre et se dirigea vers le prophète, prière et salut sur lui. فلما اقترب منه, lorsqu'il s'approcha de lui, رجع خائفا, il est revenu effrayé. Il a jeté la pierre. قال المشركون ما لك يا أبا الحكم؟ les associateurs lui dirent qu'est-ce qui t'arrive au أبو الحكم؟ قال il dit لما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل والله ما رأيت مثل هامته. Lorsque je me suis rapproché de lui, un immense chameau m'a barré la route. Par Dieu le Très-Haut, je n'ai jamais vu comme sa taille. Wala al-Niyabi, je n'ai jamais vu comme ses canines. Fahamma al-Yakulani. Et il a voulu me dévorer. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fima ba'd. Par la suite, le prophète, prière et sage, lui dit, Dalika Jibri, laudana minni, la akhadahu. C'était l'archange Gabriel, s'il s'est approché de moi, il le prendrait. رواه ابن إسحاق rapporté par ابن إسحاق. المشهد الثالث والأخير la troisième et dernière scène. اعترض أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا يعني بجانب الكعبة. أبو جهل a barré le chemin ou a coupé le chemin du prophète prière et sage sur lui à côté du Safa proche de la Kaaba. فأذى النبي صلى الله عليه وسلم. Il lui a fait du tort. وشتمه. Et il l'a insulté. ونال منه ما يكره. Et il lui a fait ce qu'il détestait, ce que le prophète détestait. فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع إلى بيته. Le prophète prière et sage ne lui a pas répondu. Et il est revenu chez lui, comme d'habitude, avec beaucoup de patience et d'endurance. وذهب بعد ذلك أبو جهل إلى ناد من قريش عند الكعبة. Par la suite, أبو جهل se dirigea vers un de ses clubs de la Kaaba pour s'asseoir avec ses amis pour rire et plaisanter. وبعد قليل وصل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et peu, un peu par la suite, Hamza, fils de Abd al-Muttalib, que Dieu soit satisfait de lui, c'était l'oncle du prophète, prière et sage lui, arriva. Mutawashiham qawsahu, en portant son arc. Raji'an min al-qamas, revenant de la chasse. Walam yakun aslama ba'd, il n'était pas encore musulman, il était toujours associateur. Wa kana rajulan qawiyan, il était un homme très fort. Fa qalat lahum ra'a. Une femme lui dit, « Ya Aba Umara, ô Abu Umara, ça veut dire Hamza, « Law ra'ayta ma laqiya ibn akhik Muhammad anifan min Abi al-Hakam ibn Hisham. » Oh, si tu as vu ce qu'a subi ton neveu Muhammad de la part de Abu al-Hakam, fils de Hisham, ça veut dire Abu Jahl. « Wajadahu ha huna jalisan fa'adahu wa sabbahu wa balagha minhu ma yakra. » Il l'a trouvé assis là-bas, il lui a fait du mal, il l'a insulté et il lui a fait ce qu'il détestait. « Wa lam yukallimhu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam » Et Muhammad, prière et sage sur lui, ne lui a pas répondu. « Faghadiba Hamza » Hamza s'énerva. « Wa dahaba bi sur'atin bahithan an Abi Jahl » Il est parti en toute vitesse pour chercher Abu Jahl. « Falamma dakhala al-masjid » Lorsqu'il entra dans la mosquée, ra'ahu jalisan fi ashabihi. Il le vit assis parmi ses amis, faqama ala ra'sihi. Il s'arrêta au-dessus de sa tête. Wa rafa'a al-qaws. Il leva l'arc, fadarabahu. Il le frappa avec. Fajarahahu. Il l'a blessé. Wa qala atashtimuhu wa ana ala dinihi. Est-ce que tu l'insultes? Ça veut dire, toi Abu Jahl, tu l'insultes? Ça veut dire, Muhammad, et moi, je suis sur la même religion que lui. Aqulu ma yaqul, je dis ce qu'il dit. Farudda dhalika alayya in istata't. Réponds-moi si tu peux, ou frappe-moi si tu peux, si tu es capable. Faqam al-rijalu ila Hamza. Les hommes, les amis d'Abu Jahl, se sont levés comme un seul homme en se dirigeant vers Hamza. Faqala Abu Jahl. Abu Jahl leur dit, da'u Aba Umara. Laissez Abu Umara. فإني والله قد شتمت ابن أخيه سبا قبيحا أو شتما قبيحا parce que par Dieu j'ai insulté d'une façon vulgaire et grossière son neveu. فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Après l'islam de Hamza, que Dieu soit satisfait de lui, عَرَفَ الْمُشْرِكُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ امْتَنَعَ Les associateurs ont compris que le messager de Dieu est maintenant est devenu très protégé. وَأَنَّ حَمْزَةَ سَيَمْنَعُ Et comme quoi Hamza va le défendre. وَرَجَعَ حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى بَيْتِهِ فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ Hamza est revenu par la suite chez lui et Satan lui a rendu visite. فَقَالَ لَهُ أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشِ Il lui dit, tu es le maître de Quraysh. اِتَّبَعْتَ هَذَا الصَّابِي Tu as suivi à la fin cet homme qui a changé sa religion. وَتَرَكْتَ دِينَ أَبَائِكَ Et tu as abandonné la religion de tes ancêtres. لَلْمَوْتُ خَيْرٌ لَكَ مِمَّا صَنَعْتَ La mort est meilleure pour toi plutôt que ce que tu viens de faire. وَبَاتَ لَيْلَتَهُ هَكَذَا Et il a passé toute sa nuit comme ça. وَفِي الصَّبَاحِ ذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Le lendemain, il est parti tôt le matin voir le prophète prier et s'assurer. وَقَالَ لَهُ يَبْنَ أَخِي Il lui dit, ô mon neveu, إِنِّي وَقَعْتُ فِي أَمْرٍ وَلَا أَعْرِفُ كَيْفَ أَخْرُجُ مِنْهُ Je suis tombé dans un problème et je ne sais pas comment en sortir. فَحَدِّثْنِي حَدِيثًا فَقَدْ اشْتَهَيْتُ يَبْنَ أَخِي لِحَدِيثِ Ô mon neveu, dis-moi de tes paroles parce que je désire entendre ou j'ai hâte d'entendre de nouveau tes paroles. فَذَكَّرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَخَوَّفَهُ وَبَشَّرَهُ صَدِي خَوَّفَهُ بِالْجَأْبِ بِالنَّارِ وَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ Et le prophète prière et sagesse lui a fait le rappel et lui a fait peur par l'enfer et lui a annoncé la bonne nouvelle d'être dans le paradis. فَأَلْقَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانِ Et Dieu a créé dans son cœur la foi. Il a jeté dans son cœur la foi grâce à la parole de Mohammed, prière et sagesse sur lui. فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ الصَّادِقُ شَهَادَةَ الصِّدْقِ Je témoigne un témoignage sincère que tu es le véridique. فَأَبْغِرْ يَبْنَ أَخِي دِينَكَ Montre, ô mon neveu, ta religion devant tout le monde. فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا أَضَلَّتْهُ السَّمَاءِ وَأَنِّي عَلَى دِينِ الْأَوَّلِ Je ne souhaite pas, Dieu, je ne souhaite pas de posséder tout ce qui est en dessous du ciel en gardant ma première religion. وَهَكَذَا لَمْ يَنْسَ حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ أَنَّهُ عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع حمزة le maître des martyrs n'a pas oublié comme quoi il était l'oncle du prophète et il n'a pas oublié comme quoi il était le frère du lait du prophète prière et sur lui فقد أرضعتهما ثويبة خادمة أبي لهب parce que ثويبة la servante d'Abu Lahab a allaité les deux ومرة أخرى فشلت قريش Et une autre fois, Quraysh a connu l'échec. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أسلوبه رغم الأذى الذي كان يصيبه من طرف المشركين. Le prophète prière et sagesse n'a pas changé sa méthode malgré la nuisance, malgré le tort qu'il supportait de la part des associateurs. كالعادة مخطط المشركين انقلب ضدهم. Et comme d'habitude, le complot ou le plan des Quraishites s'est retourné contre eux. فَأَذَاهُمْ لِلَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَفَعَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْإِسْلَامِ Leur nuisance, leur tort vers le prophète, prière et sagesse sur lui, a poussé Hamza, que Dieu soit satisfait de lui, vers l'islam. فَكَانُوا هُمْ السَّبَبْ فِي إِسْلَامِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Ils étaient eux la cause de l'islam de Hamza. Que Dieu soit satisfait de lui, comme ils étaient eux la cause de l'islam du Négus, le grand roi ou l'empereur de l'Abyssinie. Comme كانوا من قبل هم السبب في إسلام النجاشي ملك الحبشة. ونلاحظ هنا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. On remarque ici le grand courage du prophète prière et sagesse. فهو كان يصلي أمام المشركين من غير خوف. Il faisait ses prières devant les associateurs sans aucune crainte. ils se prosternaient à Dieu devant eux. Et il entrait dans une relation verticale avec Dieu lors de la prosternation. Il n'avait peur de rien. Telle est la confiance illimitée, infinie en Dieu. ورغم الأذى المتكرر في الصلاة لم يوقف عليه الصلاة والسلام صلاته بجانب الكعبة et malgré la nuisance et le mal répété dans la prière il n'a jamais arrêté de prier à côté de la Kaaba بل كان يعود إليها من الغد plutôt il revenait dès le lendemain pour faire ses prières à côté de la Kaaba كان بإمكانه الصلاة في بيته il lui était possible de prier seulement chez lui dans sa maison ولكن إيمانه وقوته وشجاعته جعلوه يصلي أمام القرشيين من غير خوف mais sa foi, son courage et sa force l'ont poussé à prier devant tout le monde, devant tous les Quraychites sans aucune crainte فكان تحديا كبيرا لهم et c'était un grand défi de sa part pour eux ومن هنا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة إلى حماية عمه أبي طالب أو حماية عمه حمزة رضي الله عنه. De là, on peut comprendre que le prophète prière et sage n'était pas dans le besoin ou n'avait pas besoin de la protection de son oncle Abu Talib ou son oncle Hamza, que Dieu soit satisfait de lui. لأنه قوي شجاع parce qu'il était fort et courageux. ولكنه كان يأخذ بالأسباب ليعلمنا استعمالها mais plutôt il utilisait les moyens pour nous enseigner l'utilisation à notre tour des moyens والدليل أنه صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام كان وجها لوجه أمام ركان أشد قريش وأقوى قريش في بعض شعاب مكة la preuve une fois il était face à face prière et sage avec le plus fort de tous les Quraychites, un homme qui s'appelait Rukana, et la rencontre entre le prophète et Rukana a eu lieu dans la banlieue de la Mecque, ils étaient seuls, personne n'était avec eux, il n'y a pas de personne. فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُكَانَ أَلَا تَتَّقِ اللَّهِ وَتَقْبَلْ مَا أَدْعُوكَ إِلَيْهِ Le prophète prière et sage lui dit, « Ô Rukana, ne veux-tu pas craindre pieusement Dieu et accepter cette religion envers laquelle je t'appelle et je t'invite ? قال إني لو أعلم أن الذي تقول حقا لاتبعتك. Rukana lui dit si je savais que ce que tu dis est vrai, je te suivrais. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق Le prophète de Dieu, prière et sage, lui dit Ô Rukana, si je te bats, vas-tu comprendre que ce que je dis est la pure vérité قال نعم Il dit oui فتصارع Les deux se sont combattus فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم Et le prophète l'a battu فطلب ركانة إعادة المصارعة لم يصدق ركانة أن النبي يغلبه فطلب منه إعادة المصارعة et ركانة n'a pas cru, n'a pas imaginé que le prophète pouvait le battre il lui a demandé de refaire le combat فتصارع et ils se sont combattus une autre fois فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم et le prophète prière et sage l'a battu a battu le plus fort de toute la cité de Quraysh فقال يا محمد والله إن هذا للعجب أتصرعني il lui dit oh Muhammad c'est vraiment je suis étonné comment as-tu pu me battre قال وأعجب من ذلك إن شئت أريكه إن اتقيت الله واتبعت أمري le prophète il lui a dit je peux te montrer plus étonnant que ce que tu as vu mais à condition que tu crains pieusement Dieu et tu me suis. « قال وما هو ?» Rukan lui dit, « Il s'agit de quoi ?»« قال, أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتي إليك. »« Je vais appeler pour toi cet arbre que tu vois là-bas et l'arbre va venir jusqu'à chez moi. Qala fad'uha. Rukana lui dit, appelle-le. Fada'aha fa'aqbalat hatta waqafat bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète prière et sa souris a appelé l'arbre et l'arbre se déplaça jusqu'au point de s'arrêter devant le messager de Dieu, prière et sa souris. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ارجعي إلى مكانك. Et le prophète à ce moment-là lui dit, reviens vers ta place. فرجعت إلى مكانها. Et il revint vers sa place, ça veut dire l'arbre. فقال ركانة. Et ركانة dit, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu et j'atteste que tu es le messager de Dieu. وإلى حصة قادمة إن شاء الله et vers une séance prochaine si il y a une autre séance prochaine si Dieu le veut. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب كما أدخلتنا في هذا اليوم وفي هذه الساعة إلى بيتك المسجد اللهم أدخلنا غدا إلى بيتك الجنة. اللهم كما جمعتنا في هذه الساعة حول سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا معه حول الحوض غدا يوم القيامة واسقنا من يده الشريفة شربة لا نعرف الظمأ من بعدها أبدا. اللهم كما جعلتنا نستمع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة اللهم اجعلنا ممن يتبع سنته طول حياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا واحدا واحدا وواحدة واحدة في هذه الساعة إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.